Les grands foins, prêts à être fauchés, étaient remplis de fleurs. Le soleil qui baissait étalait dessus une nappe de lumière rousse et, dans la chaleur adoucie du jour finissant, les flottantes exhalaisons de l'herbe se mêlaient aux humides senteurs du fleuve, imprégnaient l'air d'une langueur tendre, d'un bonheur léger, comme d'une vapeur de bien-être. Une molle défaillance venait au cœur, une espèce de communion avec cette splendeur calme du soir, avec ce vague et mystérieux frisson de vie épandue, avec cette poésie pénétrante, mélancolique, qui semblait sortir des plantes, des choses, s'épanouir, révéler au sens en cette heure douce et recueillie. Il sentait tout cela, lui, mais elle ne le comprenait pas, elle. Ils marchaient côte à côte, et soudain, lasse de se taire, elle chanta. Elle chanta, de sa voix aigrelette et fausse, quelque chose qui courait les rues, un air traînant dans les mémoires, qui déchira brusquement la profonde et sereine harmonie du soir. Alors, il la regarda, et il sentit entre eux un infranchissable abîme. Elle battait les herbes de son ombrelle, la tête un peu baissée, contemplant ses pieds, et chantant, filant des sons, essayant des roulades, osant des trilles. Son petit front étroit, qu'il aimait tant, était donc vide, vide. Il n'y avait là-dedans que cette musique de serinette. Et les pensées qui s'y formaient par hasard étaient pareilles à cette musique. Elle ne comprenait rien de lui. Ils étaient plus séparés que s'ils ne vivaient pas ensemble. Ses baisers n'allaient donc jamais plus loin que les lèvres. Alors, elle releva les yeux vers lui et sourit encore. Il fut remué jusqu'aux moelles. Et, ouvrant les bras, dans un redoublement d'amour, il l'étreignit passionnément. Comme il chiffonnait sa robe, elle finit par se dégager, en murmurant par compensation. « Va, je t'aime bien, mon chat. » Mais il la saisit par la taille et prit de folie, l'entraîna en courant. Il l'embrassait sur la joue, sur la tempe, sur le cou, tout en sautant d'allégresse. Ils s'abattirent, haletant, au pied d'un buisson, incendiés par les rayons du soleil couchant, et, avant d'avoir repris haleine, ils s'unirent, sans qu'elle comprît son exaltation.